Thank you. Thank you. Salut. We'll be right back. sais pas si je suis fort la guitare, non? Je suis pas trop fort? Elle est pas trop forte ma guitare? Apparemment je suis dans le rouge. J'ai pas touché une guitare, ça fait longtemps. J'ai pas touché ma guitare. J'ai pas touché ma guitare, ça fait trop longtemps, tu sais. J'ai pas touché ma guitare. Putain, j'sais pas jouer la guitare. Et pourquoi ça enregistre? Ah, ça a changé. Oh, ça accélère. Oh.